Irène, hein? Je suis très solitaire. N'est-ce pas, Maman Tavares? De Omeonga. Lucien Mwangela, le champion de Londres. Bomba na Sakwe. Ange Koyi. Bokomi singa mokisu Irène. Gabi Anissé. Bébanzi la nyosu na tiki pona yo. Yotungi anexe na motema. Lili Tembela. Na toni nelikia toko kiko umela. Pati Bokanga. Yokomi singa ebube nyambo. Ya Saint Mwangani. Bébanzi la nyosu na tiki pona yo. Wapineni bome yo. Yotungi anexe na motema. Na toni nelikia toko kiko umela. Shili ilume. Esanga minona yo diamanga na vivo. Na yo sanza oye nga gisaka Kokwa nyoso na koma na nga bolamba Hotel Marina Otombongo Hotel Saphir Irene kitoko petay Mais José Nzete Moïse Na wabiso bakwe Na kope sa yo pase Tamu Fatou Ya koko che O tambo la kamo O imba Sa visa Madobo la ya Bolo José Okolo Kangai The Olympic Mubia la Mayimbi Anniversaire na yo mama Nene Mukaya Loko la 4 fête mondiale Oyo bato nyoso base la ka mama Mukani la Machosi Mirei Kwanga Anniversaire na yo mama Bato mako celebre yango Je t'avais prévenu que Kikalina Rayo Mingi Yayana Bidoule L'ingénieur de l'espace, Jipekis, merci. Famille Mokabila. Mami Mokabila, Mami Mokabila, Irene, Yo Nabiso, Mame Yo Salina, Salina Moneki, Mami Mokabila, Nalimi Siyo Moni Kolo Kola Moya Tango, Zozo Lekisya Mange Ma, Mami Bimasha, Lodi Lepunti, Alemba Rakuta, Midi Pepo Kwa Irene, Rama Mbondo Maman Marie Virginie Kapinga, Maman Cécile Boya, Papa Alidor Kabea, Julien Mokuna le maestro, Maman Tavares Mokoni, Marie Claire Kanye, Coco Maria, Imiti Fou, Anissé Kouliba de Franchard, Rémi Manja. Kombo na yo sikse lokola Trinita Bouche Isi Lola, Sinjer, Bolingana Kombo na yo kitoko lokola Thérèse Dembo Colonel Ewakaye Nasi Lomingo, Julie Bader Irene Babote lokola Delanda Noela Tabou, Julie Mimanga Kombo na yo Twalite lokola Hortense Bachal Dit Mireille Soki Basi Kitoko, Caro de Monakwe, Kombo na yo Kitoko Lokola, Soise Firenze, Maria Manzazi Yakuta Bodaka, Marie-Claire Oboujien, Anton Zabi, Michel Tola, Adolotola, Vivian la princesse Amanda la Duchesse, La Coste, Monalino, Momela, je me pongo, Momela, Momela, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, Salina, tu yoka, oya love, bébé n'est pour y'a bata son à sa selle. Non si de renta, oye bit, mami ne keba, ani na biso, hein, itoko. Vino na carte à référence, vino partout vous a mis dans la chaîne des bars. Dans ma boîte, je suis à Congo, à Brazza, à Ramdam, pour que tu aies ta colère. Et rien, pas à la base, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à Lord Binanga, Mokonzi Papa Christophe Muzungu, Constant Omari, Uba Mado Mokonzi Matadi, Rami Amisi, Papa Kasebu, Papa Fikir et Dieu donné.